Écoutez comment nous avons préparé cette émission ce matin. Allez, c'est parti. Salut les amis. Salut Charlie. Alors ça va? Non, ça va pas du tout. Ah bon? Il y a la crise dans l'équipe. Oui. Une crise dans l'équipe? Oui, les rats quittent le navire. Et comment ça? Bah oui, c'est moi, je décide de quitter l'équipe. Mais voilà. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben voilà, elle fait sa Christiane Taubira. Oui, je voudrais me reposer un peu. Mais c'est pas reposant ici. Non, pas du tout. Ma décision est prise, je vous quitte pour 6 mois. Je suis trop triste. Ah ben non, il y en a une qui part, l'autre qui chiale. Non. Ah ouais, mais je vais toute seule. Mais non, on est une équipe. S'il y en a une qui part, on va la remplacer. Mais oui, vous allez me remplacer. Bah qu'est-ce que ça te fait? De toute façon, lundi tu seras pas là. Mais pourquoi t'es agressif? Agressif. Il aime pas se faire quitter. Voilà, moi j'en ai connu qui m'ont dit mais t'inquiète pas, tu vas me remplacer. Et tu les as remplacés. Oui, oui, mais la douleur. Hein, tu fais fi de la douleur. Moi je supporte mal l'abandon. Ah non, on va pas tous pleurer. Non, ça va, c'est ton choix, sois heureuse et puis on se donne 2 semaines pour trouver une nouvelle personne. Ouais, voilà. Ça m'a mis à peu près ça aussi, 2 semaines. Et si la nouvelle est nulle en théâtre, bah alors elle va devoir jouer dans les confs de rédac. Non, mais attends, je te rappelle qu'elle aussi au début elle était nulle. Oui, mais justement, on a mis 1 an et demi à leur faire avoir un petit niveau. Oh, ça va, merci. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. On va faire d'abord une belle dernière émission pour toi aujourd'hui. Okay. Ah, c'est gentil. Voilà. Vous allez me manquer. Voilà. Et après l'émission, on fera une grande fête pour ton départ. Ouais, ouais. Ça vous fait plaisir que je m'en aille, vous fêtez ça? Mais non, ça va, je suis extrêmement déçue. C'est bon, je me casse. Enfin. Toutes les mêmes. Toutes les mêmes. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission où il y a quelqu'un donc qui s'en va. Oui, on est triste. Et voici les 3 informations qui vont mettre 3 pompes à vous arriver jusqu'à 18h. Les téléphones des terroristes sont verrouillés et cryptés, mais Apple refuse de donner la clé au FBI pour protéger les utilisateurs et leurs données. C'est la version numérique d'un sujet vieux comme le monde. Le tueur a gravé une 2e lettre sur le mur, la première était en haut, la 2e est un D. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais les types des chiffres et des lettres sont dessus. Ouais, Laurent Romeshko, police d'État. Un hôpital vient d'ouvrir une consultation pour les parents tyrannisés par leurs enfants ou quand on a donné naissance à Pol Pot, 9 ans et demi. Je traite de con parce que tu le mérites. J'ai dit, ça suffit. À vos ordres, sale con. Ah, si tu crois être le père idéal, c'est raté. Tu t'entraînes pour le concours de grossièreté. La justice a relaxé le rappeur Aurel San. Il était accusé d'incitation à la violence contre les femmes. Craignant d'être condamné, en attendant le jugement à la brasserie du coin, il a écrit un nouveau texte sur les femmes. Hey Jennifer, je t'aime. Mon amour, tu vois, c'est comme un océan. Un océan où tu serais à la plage. Tu voudrais bien être ma plage? Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui aujourd'hui avait pour seule préoccupation de savoir s'il allait participer ou non à la pétanque des célébrités. C'est Alex Vizorek. Mais je crois que je vais y aller, j'aime bien ça, ça me détend. Bonjour Charlie de Manoulakeri, bonjour à toutes les. Bonjour à Bernard Menez. On le salue, on a une belle triplette l'année passée avec lui. À 17h20, aujourd'hui j'ai reçu un texto me disant « Alex, ne prépare pas de lancement sur les jingles et l'actualisie car je pars complètement sur autre chose. À toutes, Thomas VDB. » Vous m'avez fait rêver. Eh ben ouais, on part tous ensemble pour une grande promenade dans l'actualifoot. Parce que c'est vrai que le foot, c'est ma grande passion à côté. Et voilà, je vais parler de l'actualifoot à 17h20. 17h30, quand il m'envoie un texto, lui, c'est « Je rentre au bureau dans 10 minutes, c'est bon, j'ai trouvé mon champion. » Alors que moi, mon champion, c'est lui. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben moi, pour que François Hollande soit bien chaud lors de sa confrontation avec les Français dans une heure sur France Inter, je lui ai préparé le terrain en allant à leur rencontre. Il nous a démanché complètement la France à partir de tous les sens, sur tous les côtés. Voilà, il faudra qu'il réponde à monsieur le président, à ce démanchement de la France à partir de tous les côtés. Et à 17h40, lui, ses textos sont envoyés à Charline et en général arrivent la veille de ses passages disant en substance « Charline, tu me confirmes bien que ce n'est pas demain ma chronique. » Bonjour Thomas Bideguin. Bonjour tout le monde. Et c'est aujourd'hui, alors on parle de quoi? Eh bien aujourd'hui, très modestement, je livre le secret de toutes les histoires du monde. Ah bah très bien, et juste après l'émission et après sa chanson, vous pourrez envoyer un texto à la direction d'Inter parce qu'à 17h55, Frédéric Fromet viendra chanter. Et le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. Vous intégrez le Jamel Comedy Club en 2006, quand Ségolène Royal intègre le premier tour d'une élection présidentielle. Vous jouez dans la série Working Girl sur Canal+, en 2011, quand Christine Lagarde devient directrice générale du FMI. Vous co-scénarisez Le Crocodile du Botswanga de Fabrice Eboué en 2014, quand Blaise Compaoré est chassé du pouvoir au Burkina Faso et là je dis le flair de la meuf. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes Blanche Gardin. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes la vraie Blanche Gardin d'abord? Non, c'est vrai, j'aurais pu m'appeler Eknalb Nidrag, qui est mon nom à l'envers. J'ai préféré dire mon faux nom. Blanche Gardin, on peut vous voir sur scène, c'est à la Nouvelle Scène. Alors, faut dire déjà, c'est un très joli lieu, c'est une péniche qui est amarrée au pied de Notre-Dame à Paris. Il y a souvent une belle programmation là-bas. Donc, Guillaume Meurice, bien sûr. Je parle toute seule. C'est le nouveau spectacle à la Nouvelle Scène, c'est jusqu'au 26 juin, vendredi et samedi à 21h30, le dimanche à 20h. Et il y a eu récemment dans la salle un certain Guillaume Meurice et même un certain Thomas Bideguin, donc je laisse vous cuisiner. Il y avait du beau monde, c'est vrai. Il y avait Thomas Bideguin, c'était impressionnant. Les gens étaient très impressionnés. Non, effectivement, on est allé avec Thomas dimanche soir. Alors, le but, c'est pas de raconter votre vie, c'est de poser des questions. Et c'était sympa. On a pris un cocktail et tout. Non, le spectacle de Blanche, évidemment, on le conseille. Évidemment, c'est très bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est très cash, c'est très trash et c'est très drôle. Alors, première question, il est interdit au moins de 17 ans, ce spectacle. Oui. Pourquoi 17 ans? Alors, le spectacle précédent était interdit au moins de 16 ans. C'est vrai que cette année, j'ai poussé jusqu'à 17. On est monté en gamme. On est monté, tout simplement parce qu'en fait, ma nièce prend un an chaque année aussi. Ah, c'est ça. Donc dans 10 ans, il est interdit au moins de 27 ans. D'accord. Voilà, exactement. Okay. Est-ce que le terme de conteuse trash, ça vous va? Parce que c'est du vrai stand-up, c'est-à-dire qu'on est dans la plus pure tradition de Blanche toute seule derrière un micro qui dit un texte, c'est très épuré, il n'y a pas de mise en scène particulière à part celle-là. Est-ce que conteuse trash, ça vous va? Mais j'adore. Tout ce que tu diras. Ah, c'est vrai, parce que j'avais plein d'autres trucs. J'avais plein d'autres trucs comme ça. Thomas? Non, elle fait un truc formidable, Blanche, c'est qu'elle arrive et elle fait un monolithe comme ça. C'est un truc, elle dit, je fais pas des blagues, en fait, vous êtes dans ma tête. Alors elle arrive, elle est toute chic, tout ça. Elle est juste trahie par un truc, ses petites mains de foraine. Mais à part ça, elle a des petites mains comme les forains. Mais à part ça, cet unique détail-là, elle fait pas de blagues, elle fait juste... On est dans sa tête comme ça, elle dévend tout, elle a vraiment une façon de faire qui est extraordinaire. Et pendant qu'il n'y étions pas les thématiques que vous abordez, Blanche Mais alors pourquoi trash, on se demande? Je sais pas, c'est pas moi qui ai dit que j'étais trash. Est-ce que ça vous plaît plus de choquer ou de faire rire, ou les deux en même temps? Ah non, j'aime pas du tout choquer, je déteste le malaise en général. Dans la vie réelle, je déteste le malaise. Donc, j'essaye pas de mettre mal à l'aise les gens. Mais c'est vrai que j'aime quand même soulever des couvercles, de thèmes qui sont peut-être un petit peu à première vue désagréables, comme la mort ou la violence dans la sexualité ou des choses comme ça. Ou mettre des crayons à papier dans l'anus des mais chats. Mais c'est justement plutôt par exemple. Mais c'est justement plutôt par esprit de dans une volonté en tout cas de communier avec les autres sur des sujets a priori désagréables. Donc pas du tout pour choquer, au contraire pour qu'on se sente tous les mêmes monstres. On repart plus heureux ou plus inquiet? On repart plus heureux ou plus inquiet? J'espère plus heureux. J'espère. Alors attendez, parce que moi qui n'ai pas vu le spectacle encore, moi j'aimerais comprendre ce qu'on peut voir. Vous avez un DEA de sociologie. Oui. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a un fond de ça, c'est-à-dire l'observation que vous avez de la vie quotidienne ou de la société? Vous parlez notamment du célibat ou le fait de ne pas spécialement avoir d'enfants. Tout ça, est-ce qu'il y a un œil qui généralise un peu les choses ou qui les personnalise très fort? Oui, tout à fait. Je pense que le goût de l'observation, je pense que ça m'est venu aussi à travers des études de sociaux. Et aussi dans le désenchantement, je pense, quand on commence à pénétrer la sociologie, on rentre dans un gros désenchantement. Qui est une thématique, chez vous, c'est de s'emparer de ce désenchantement et d'en faire quelque chose qui puisse faire réfléchir ou sourire. Il y a un message dans ce que vous faites. Message, sûrement. Dans tout texte, il y a un message quand même, non? Ah, je sais pas. J'ai pas l'impression d'être porteuse d'un message, mais le bonheur, ça vous inspire pas? Non. Voilà, on n'est pas sur Terre pour sa musique. Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler et de raccrocher les thèmes d'actualité à votre spectacle Blanche Gardin, qui est avec nous jusqu'à 18h, juste avant François Hollande, dites donc. Allez, vous êtes sur France Inter. You know, she comes around just about 5'4" from her head to the ground. You know, she comes around here She make her feel so good now. She make her feel alright. And her name is G. Ow. Whoa. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house. You knock upon my door. And then she come to my room. Now she make me feel alright. Thème sur France Inter. Oh, on est vendredi, c'est bientôt le week-end et nous on est avec Blanche Gardin. En même temps, on n'a pas vraiment de travail, donc c'est compliqué de se réjouir. Blanche Gardin que vous pouvez aller voir à la Nouvelle Scène jusqu'au 26 juin dans son spectacle Je parle toute seule, recommandé chaudement par Guillaume Meurice et par Thomas Bideguin. Si vous n'aimez pas, on vous rembourse la place. Autour de cette table, vous prenez des risques. Il ne reste plus grand monde à citer. Thomas VDB. Et tout à l'heure, Frédéric Fromet. Oui, mais maintenant, c'est vous qui allez faire le gros du travail. Au boulot, au boulot. Assis au dernier rang de la rédaction de France Inter. Allez, Alex Vizorek, le journal, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et les titres. François Hollande sera l'invité de Nicolas Demorand après cette émission dans Le Téléphone Sonne, en espérant que ce ne soit pas sa cote de popularité qui décroche. La visite de Manuel Valls continue au Mali. L'homme catalan essaye de rentrer dans l'histoire. Et il y aura des brèves. Et des billets. Et avant toute chose, les suites de l'enquête sur les attentats de Paris. Oui, on a appris qu'après les attentats, Salah Abdeslam se serait caché 3 semaines dans la commune bruxelloise de Schaarbeek. L'État islamique annonce une fatwa sur le Guinness Book des records s'il refuse d'homologuer ce record du monde de la plus longue partie de cache-cache. Ouais, je pense que la seule solution de mettre un jour la main dessus, c'est quand même que Sean Penn fasse son interview. Ouais. On attend. Sean, il ne reste plus que toi. Venons-en à l'événement sur France Inter, c'est tout à l'heure à 18h. Oui, le président François Hollande sera l'invité du téléphone sonne. Mais Nicolas Demorand a reçu énormément de questions, il ne pourra pas toutes les diffuser. Voici quelques questions qui n'ont malheureusement pas été retenues. Bonjour, c'est Valérie de Paris, j'ai une question pour François Hollande. Bon, on n'a pas d'enfant, mais enfin, qu'est-ce que tu fous avec la pension alimentaire ? Imagine-toi, sinon j'écris un bouquin. Oui, c'est Jean-Vincent de Séoul. Question pour François Hollande. C'est vrai, je suis au gouvernement, c'est sûr, hein, c'est sûr. Hein. On est sûr, là, on est bon, c'est sûr. Je serais certain. Ouais, c'est Serge de Saint-Germain. Moi, c'est pas une question, je vais dire à François Hollande, franchement, c'est une fiotte. Et bonjour, c'est Julie de Paris. J'ai une question pour François Hollande. Dis chouchou, vu que t'es à Bruxelles, est-ce que tu pourrais ramener du chocolat? Oui, c'est Jean Jaurès de Carmo. Une question pour François Hollande. Est-ce que tu peux arrêter de faire le con avec le socialisme, s'il te plaît? Ouais, c'est bête parce qu'il y avait quelques bonnes questions. Mais il y en aura d'autres, sans doute, tout à l'heure à 18h. Oui, et ouais. Passons à la visite de Manuel Valls au Mali. Et ça se passe super bien là-bas, au point que... si, bah, je vous le dis, j'ai des infos. Yes. Les artistes locaux ont voulu être à la hauteur. Vendredi à Bamako, c'est visite Manuel Valls. Vendredi à Bamako, c'est visite Manuel Valls. Au marché, il négocie à coup de 49-3. Le Drian est déprimé, des rafales, il en vole pas. Blancos et binationaux sont au rendez-vous. Les patrons, les policiers sont au rendez-vous. Imodium et Tourista sont aussi au rendez-vous. Vendredi à Bamako, c'est visite Manuel Valls. Vendredi à Bamako, c'est visite Manuel Valls. Y a pas de business à faire, donc Macron il est pas là. Vendredi à Bamako, c'est visite Manuel Valls. C'est un reportage voilà, exclusif, bien sûr. Voilà. Économie à présent. En 2015, Volkswagen a vendu plus de saucisses que de voitures. Oui, car outre le secteur automobile, la marque allemande possède aussi sa propre boucherie. Oui, de toute façon, comme l'OMS a dit que la viande c'était cancérogène, Volkswagen reste dans son core business. Sport, FIFA, Sepp Blatter déclare « Michel est innocent ». Comme moi. Voilà, et dans la foulée, Patrick Balkany a déclaré « Nicolas est innocent comme moi ». Sport toujours. L'équipe a révélé les 10 sportifs français les mieux payés. Karim Benzema est deuxième. Et c'était avant qu'il touche sa part pour la revente de la sextape. Allez, on termine par des brèves. Australie, 2 points. À 78 ans, Ken Holmes a repris une formation et est devenu le plus vieux stagiaire du pays. Et ne dites pas trop fort parce que Myriam El Khomri pourrait ajouter cela à son code de travail. Et la dernière. Autriche, une brasserie autrichienne propose à ses clients... le client de son spa, plusieurs piscines remplies de bière. Et vous savez ce qu'on nage dans ces piscines ? Ah non. La brasse. Bière, brasse. Si vous en voulez, si vous en voulez chanson, encore un petit peu, vous pouvez aller voir Alex Vizorek à la Pépinière les dimanches et mercredis à 19h. Voilà. Vous êtes, là, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Et en plus, il chante. Super, vous êtes doublement prévenu. Allez, c'est Blanche Gardin qui est avec nous jusqu'à 18h. Blanche, on va aborder avec vous le premier sujet. Un gros dossier. Tiens, la justice américaine veut accéder au contenu crypté d'un smartphone. Dans le dossier de la tuerie de San Bernardino, 14 morts revendiqués par Daesh. Le FBI veut accéder au contenu, mais Apple ne veut pas donner la clé, car cela pourrait permettre plus tard d'accéder au contenu de n'importe quel iPhone. Et c'est vrai que dès l'enfance, pourtant on apprend ça, on s'échine à garder nos données secrètes. Cher journal, si je t'écris, c'est qu'il n'y a qu'à toi que je peux confier tout ce que j'ai sur le cœur. Depuis que j'ai repris l'alcool dans les céréales le matin, je me sens isolée et incapable d'en faire part aux autres. C'est à cause de mon dernier avortement, mon tout premier en fait. Le père, c'est le prof de bio. D'ailleurs, il m'a déçu en tant que spécialiste des sciences de la vie de la Terre de ne pas m'avoir mieux expliqué. Mais bon, c'était un bon coup. Et si je n'avais pas braqué la supérette pour payer l'intervention, pas savoir où j'en serais aujourd'hui. D'ailleurs, leur faire penser à me régler les dernières passes, ça va, je suis pas Mère Teresa non plus, hein. Mais surtout, ce que je voulais te dire, c'est beaucoup plus grave. Si ma mère lit ça normalement, elle aura succombé à une crise cardiaque dès les premières lignes. Ça serait dommage qu'elle ne sache pas que tu n'es pas un vrai journal. Tu es un journal exprès pour les curieux lecteurs qui ne savent pas ce que le mot secret veut dire. La curiosité est un vilain défaut. Ah, lol, MDR, smiley. Un extrait de Parents mode d'emploi. Oui. Que vous coécrivez, Blanche Gardin, oui. Vous participez à Parents mode d'emploi. Alors, pour en revenir à ce sujet, qu'on peut résumer un peu comme Apple versus le FBI et la protection des données, est-ce que vous, par exemple, dans la vie quotidienne, vous avez souci de protection de vos données, un souci de ne pas vous faire fliquer, en vous en pas géolocaliser par votre téléphone ou par votre genre de choses? Non, j'ai pas tellement ce souci-là. En fait, c'est vrai que je me fais pas beaucoup d'illusions depuis que je vis avec un ordinateur. Je sais quand même, voilà. J'essaie de lui donner le moins possible à manger quand même. Après, c'est pas tellement par peur de flicage. Je suis pas trop rentrée dans le truc, surtout. Je suis partie de cette génération qui est un peu un pied à moitié dedans. Mais c'est vrai que je suis pas dupe et je sais très bien que le premier geste d'Obama le matin, c'est de pirater mon iPhone pour se branler sur mes photos de vacances. Mais en même temps, comment lui en vouloir, je veux dire, ça fait longtemps qu'il est avec Michel. On aimerait tous pouvoir le faire. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une question de société assez passionnante. C'est toujours la même question, la liberté individuelle ou la sécurité collective. Une question qu'on vit encore plus fort aujourd'hui avec l'état d'urgence. Vous, est-ce que vous êtes parvenu un peu à trancher? Est-ce que vous vous dites, pour la sécurité collective, je vais faire quelques efforts, ou je tiens absolument à ma liberté individuelle, ou vous êtes plus dans la nuance? Non, je pense que effectivement, là, il y a une obsession de la sécurité qui est un peu qui est une peu grotesque, qui est un peu grotesque, et surtout que voilà, qu'on est dans une société où on prend de moins en moins de risques, et c'est dommage parce que c'est joli le risque. Et là, je pense que dans tous les domaines de la vie, on est un petit peu devenu obsédé par cette histoire de sécurité. C'est pas très drôle ce que je raconte. Non, mais c'est pas le but n'est pas d'être drôle. Que Apple ne veuille pas donner les clés et aider la justice à décrypter le portable d'un terroriste. Est-ce que ça suscite des réactions autour de cette table? On attend la réaction de Google surtout, qui elle n'a rien dit pour l'instant. Ouais. On va voir. Ouais. Ouais. Non, mais ça. Parce que Apple ou Google, ils se gênent pas pour nous espionner quand même. A priori, c'est louche. Moi, je dirais que c'est quand même louche. Je dirais que j'attends la suite. Hashtag complot. C'est louche qu'on nous en parle. C'est louche qu'on nous en parle parce que depuis d'habitude, ils regardent gentiment s'ils pensent que c'est nécessaire, ils anticipent le problème. Ouais. Ouais. Alors, depuis l'affaire Snowden et la NSA, dont on sait que les Américains nous regardent de près, évidemment, le citoyen a un petit peu changé d'avis et se dit « Oh là là, attention, je ne suis pas forcément prêt ». Thomas Bideguin, vous avez un regard là-dessus? Quel est votre historique de navigation, Thomas Bideguin? Peut-être qu'on peut le lire à l'antenne. Quand j'ai tapé Mossoul sur mon moteur de recherche et que la police est arrivée 25 minutes plus tard, je me suis dit que non, peut-être que ce n'était pas la peine de donner la clé à la police. Je ne pense pas qu'il faille donner les clés à la police de quoi que ce soit. Je crois que ça fait très très peur. Et vous, si l'histoire nous apprend un truc, c'est ça, c'est que plus on donne de pouvoir à la police, moins on a de liberté. Et voilà, c'est ce qui fait très peur dans ces temps-là. Et maintenant, en plus, la police peut avoir des armes à la maison, donc ils ont Google, ils ont des flingues, en fait. Mm-hmm. Voilà. Vous qui avez réalisé Les Cowboys, qui parlent de la radicalisation d'une jeune fille qui part, vous avez vraiment dû taper Mossoul, etc. Vous n'êtes pas fait fliquer ou... J'ai fait tout ça, non. J'ai eu peur à un moment. J'ai pensé qu'à un moment, j'ai eu des petites paranoïas. Comme ça, oui. Ouais. Mais vous préparez un attentat aussi, vous nous disiez tout à l'heure. Oui, tout ça c'est pour la promo du film. Mais bien sûr, c'est différent. Il est 17h29 sur France Inter, on est avec Blanche Gardin. Et si on écoutait Thomas VDB, je ne sais pas si vous aimez Thomas VDB. Je ne connais pas cette personne. Non ? Écoutez, vous allez le découvrir. Ça tombe bien parce que c'est moi. Et je peux vous dire, alors les gens sont là, oui, il n'y a pas de générique, parce que voilà, on s'écoutait là et on peut le dire, il y a une actualité plutôt déprimante depuis quelques mois, c'est pas la joie. Mais donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut savoir voir midi à sa porte, parce que pour quelqu'un comme moi par exemple qui ne s'intéresse absolument pas du tout au football, et ben cette semaine ça a été l'occasion de faire la découverte de l'existence de Serge Aurier, et ça je trouve ça fait un petit peu oublier la morosité ambiante. Moi je vous rapportais tout mon soutien à Serge Aurier parce que j'ai vu la vidéo dans laquelle il bave sur son entraîneur et ses collègues. Alors ok, évidemment c'est pas bien, il a insulté son patron, mais j'ai aussi vu la vidéo qu'il a fait le lendemain, et limite il m'a fait un petit peu de la peine, Serge Aurier. En tout cas, il avait l'air sincère et il a le mérite, je trouve, d'avoir redonné ses lettres de noblesse au mot penaud. Vraiment, je pense que si un jour on ne se souvient plus de ce que ça veut dire le mot penaud, on pourra regarder cette vidéo. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, penaud. Et avec, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec du recul, ce chat en direct qu'il a fait sur Internet, c'était peut-être pas une très très bonne idée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, faut savoir que le copain de Serge Aurier, il est devant l'ordinateur et il lui lit les questions qui sont posées par les internautes. Et en fait, c'est un peu comme si tu avais un pote qui te disait, hey, on joue à ruine ta carrière. Voilà. Et c'est un jeu, je te pose des questions et tu dois répondre le plus vite possible et tu ruines ta carrière. Et il est hyper balèze à ce jeu-là. Serge Aurier, on a pu s'en rendre compte. Et pendant tout ce temps-là, donc on voit de la vidéo, on voit le pote qui pose des questions, il fume une chicha. Je sais pas s'il faut apporter beaucoup de crédit à une vidéo dès lors que tous les propos qui sont dans la vidéo sont entrecoupés de. Je pense que ce n'est pas la peine. Je le précise parce que j'ai entendu que Giroud, apparemment, c'est un autre gars qui travaille dans le foot. Il a demandé la prison pour Serge Aurier. Je pense que Giroud, il devrait peut-être prendre une grosse bouffée de chicha. Parce que l'autre, il a juste dit du mal de son patron comme ça via l'application Le Périscope. Mais je pense que tu remplaces l'application Le Périscope par n'importe quelle machine à café de n'importe quel bureau dans le monde. Je pense que c'est pareil. Guillaume, je dis pas, mais c'est la semaine dernière, je t'ai entendu sortant des toilettes quand on est en train de parler d'Alex. Je trouvais ça pas très sympa. Je peux te dire, ça a été filmé en direct. J'aurais été choqué. Sur Internet, j'aurais été choqué. Et je peux te dire, si Giroud, il était garde des Sceaux, mais tu aurais Alcatraz aujourd'hui. En tout cas, ce qui m'a surpris, moi, beaucoup, vraiment, c'est la rapidité, encore une fois, avec laquelle beaucoup d'internautes n'ont pas pu résister à leur plus bas instinct au lendemain de l'affaire en disant à Serge Aurier comme ça, mon pote, t'es mal! Parce qu'on t'a vu, tout le monde a entendu ce que t'as dit! Et vraiment, ça, tu te rends compte que sur Internet, il y a des gens, ils ont la passion du flagrant délit. Vraiment, c'est leur passion, ils sont là, vu. Coller, on t'a collé, mon pote. Je peux dire, t'étais entièrement filmé, on l'a tous sur Internet. Alors, je tiens à préciser à ces gens-là, attention, parce que quand vous comportez comme ça, on peut voir aussi, on peut vous voir sur Internet. Donc, finalement, c'est pas mieux pour vous. Donc, évidemment, aujourd'hui, je me mets à la place, moi, de Serge Aurier, qui doit s'en vouloir énormément, et se demander ce qu'il va bien pouvoir faire pour faire oublier les insultes homophobes qu'il a adressées à son entraîneur. Dans l'idéal, il faudrait qu'il arrive à faire un autre buzz qui ferait oublier celui-ci. Alors, j'ai ma petite idée, j'ai une idée d'autre buzz. Ça va peut-être lui proposer de faire une sextape avec Valbuena et Benzema et de la mettre sur Internet comme ça les gens sont ah ouais, il est pas si homophobe que ça. En tout cas, voilà, courage Serge Aurier, moi je suis avec toi. Merci Thomas VDB. Allez, on est en compagnie de Blanche Gardin que vous pouvez voir à la Nouvelle Scène jusqu'au 26 juin dans son spectacle Je parle toute seule. Mais là, elle parle avec nous jusqu'à 18h. On va aborder encore quelques thèmes d'actualité et puis la chronique de Thomas Bideguin et le reportage de Guillaume Meurice. I can't tell you how I feel, but I do. Those things they say can't get to me, but they do. I don't see the sky as blue as you do. Devinez qui c'est. Ah bah dis donc. Alabama Shakes. C'est sur France Inter. On est avec Blanche. Oui, Blanche Gardin qui est avec nous jusqu'à 18h et aussi. Ah mais nous avons Thomas Bideguin qui se prépare. Thomas VDB qui a déjà travaillé mais qui retravaillera à Flaine la semaine prochaine. Vous allez à la montagne pour jouer votre spectacle. Jeudi, le récital Daft Punk. Exact. Et Guillaume Meurice qui va travailler maintenant. Ah oui, c'est mon cher ami. Mais oui. Au boulot. Ben écoutez, la pression monte dans les couloirs de France Inter. Dans moins d'une heure, il sera sur cette antenne le président de la République. Laurence Bloch, notre directrice, a refait son brushing. Toutes nos pensées vont à la famille du coiffeur. Mort d'épuisement durant l'opération. Mathieu Gallet a spécialement affrété son carrosse intérieur ronce de palissandre. Nicolas Demorand, qui mènera l'interview, a mis son plus beau sweat à capuche. Tout le monde est prêt. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on reçoit le sosie officiel de Julio Iglesias. Alors, bon, évidemment, François Hollande est aussi chef d'État, mais ça, on sait tous que ça tient plus du malentendu. Si toutefois, malentendu est synonyme d'agression sexuelle sur femme de chambre. Mais bon, passons. L'idée de cette chronique, c'est de préparer vraiment François Hollande, qui certainement nous écoute et que l'on salue, le préparer donc à ce qui va se passer dans une heure. Ce question-réponse avec des Français, Français dont je suis allé à la rencontre ce matin et j'ai concocté à François ce que j'appelle un petit crescendo des réactions auxquelles il va être confronté. Alors on commence doucement avec une Française qu'il aime bien. C'est un brave homme. Vous trouvez ? Qui est dépassé vraiment par les choses. Il voudrait bien faire, il peut pas. Non, je l'ai. Moi, je suis pour. Hein. Vous trouvez qu'il a une action efficace ? Il peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas sa faute. Hein. Mais alors, c'est de la faute à qui ? Oh bah c'est la vie actuelle, hein, vous savez. Donc s'il est inefficace, c'est de la faute à la vie. Absolument. Voilà, c'est la faute à la vie. Et François, si tu nous écoutes, je te conseille d'en faire ton élément de langage hein, principal. Comment voulez-vous que mon action publique soit un succès alors que je suis sans arrêt confronté à la vie ? Si la vie n'existait pas sur Terre, je serais davantage efficace. Hein, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Alors on continue ce petit crescendo avec quelqu'un qui t'aime bien aussi, François. Pourquoi ? Pour propos des retraites, je l'aime bien. Et si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ben, je lui poserais des questions, je noterais, je prendrais note. Et quelles questions vous lui poseriez ? Sa vie de famille, quelles sont sa vie de famille ? Ah, ça vous intéresse ? Ouais. Pourquoi ? Pour savoir où il en est. Mais ça va avoir un impact sur votre vie quotidienne, vous pensez ça ? Ouais. Genre de savoir s'il est célibataire, s'il met des chaussons le soir quand il rentre ? Ouais. Tout ça, ça vous intéresse ? Pour savoir pourquoi il a eu Julie Gaillet dans sa vie. Et après ça, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? C'est tout. Voilà, donc si Nicolas Demorand nous écoute, voilà une question qui intéresse en tout cas une partie du peuple de France. À défaut de rebosser à Libération, hein, Nicolas, une petite place de pigiste à Closer te tend les bras. Quant à François, alors je lui demande de bien s'accrocher. On continue toujours hein, dans le crescendo avec une Française qui l'aime un peu moins. Je le trouve très mal habillé, très... Non, non, il n'y a aucune allure. Quand on est de mon âge, mon modèle, c'était Giscard, quoi. Et ah, ça oui. L'est toujours, mais bon. Vous seriez plus séduite par Giscard ? Ah, complètement. Non seulement par son intelligence, et puis effectivement, la prestance physique, si on peut dire. C'est pas ce qu'il y a de plus important, mais effectivement, ça rajoute quand même la cerise sur le gâteau. Oui, sur le gâteau, en l'occurrence, puisqu'on parle de Giscard. Mais bon, voilà, une remarque qui peut être entendue par François Hollande. Travailler sa prestance. On continue, on progresse, on avance dans l'impopularité. Il est bon à rien. Ah oui, bon à rien. Presque. Je suis pas en photo hein, là-dessus, hein. Vous n'allez pas me passer en photo, à la télé surtout. Ah non, c'est la radio. D'accord. Ah, ça veut dire que vous n'assumez pas ? Non, il est incapable. Ça sera mieux. Il est incapable. Voilà, incapable. C'est mieux que bon à rien. Alors là, ça peut intéresser François Hollande, pas sur le fait qu'il soit incapable, hein, ça je pense qu'il est au courant, mais sur l'état de courage du peuple français qui veut bien dober sur François Hollande, mais de manière complètement anonyme. Elle ne veut pas passer à la télé. Donc t'es peinard. Hein. La révolution, François, c'est pas pour tout de suite avec des gens comme ça. C'est comme si Robespierre avait dit « Allez, tous à la Bastille !» Mais citez pas mon nom, parce qu'après c'est chaud. Si je veux retrouver un boulot, ça va m'emmerder. Bon, mais ne prends pas trop la confiance quand même, François. On continue toujours dans le crescendo avec un Français à qui j'ai demandé ton principal point positif. Aucun. Voilà. Aucun. Il est moche, il est gros, il est petit, il est pas très aimable. Mais ce qui est le plus grave. Ça, c'est des arguments de fond. Oui, non, ça, c'est des arguments. C'est pas des arguments, mais ça, c'est des arguments qui n'ont pas lieu de vivre. Mais crétin, carrément. Voilà, donc là, au niveau du débat, voilà. On n'est pas hyper haut dans l'argumentation. Mais au niveau du crescendo, je ne me suis pas foutu de votre gueule, hein, quand même. Là, on est pas mal. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? C'est ça la question. Remonter encore d'un cran dans la cote d'impopularité ? La réponse, évidemment, est oui. Avec le dernier Français, un conseil pour François Hollande. Qu'il continue comme ça. Comme ça. Au moins, on fait table rase à la Daesh et on recommence tout à zéro. Une nouvelle civilisation. Vous pensez qu'il a la même action que Daesh ? Vis-à-vis de la France, oui. Voilà, et ben, écoutez, je crois que François est prêt à répondre aux Français. Nous, en tant que citoyens, on a sans doute les dirigeants qu'on mérite. Et à bien l'observer, finalement, ben, je crois bien que François Hollande a le peuple qu'il mérite. Merci Guillaume Meurice. Tout est dans la nuance, hein, je vois. Dans le, hein, c'est la préparation. Oui, ce qu'il allait chercher, c'est Français Guillaume Meurice. C'était dans la rue, c'est des Français de la rue. Et vous ne mettez pas beaucoup de temps en plus. Enfin, vous partez, non, c'est le jour même, c'est frais du jour. Oui, là, c'était ce matin. Et là, en 3-4 heures, bim, il y a un gars qui vous dit il fait comme Daesh. Ouais, en 2 heures même, j'ai mis 2 heures en tout, je crois. C'est intéressant. Ouais. Si on fait un petit calcul, ça fait un petit peu. Mais parlez, je vous encourage à parler avec les gens autour de vous, vous allez avoir peur. On est avec Blanche Gardin jusqu'à 18h. Heureusement, Blanche est là, donc on a moins peur. On va aborder avec vous le deuxième sujet. Un sujet à lire dans Libération aujourd'hui. L'hôpital Saint-Éloi de Montpellier a ouvert une consultation pour les parents malmenés par leurs mioches. Les médecins mettent en place des stratégies de résistance non violente. Voilà, je vous donne un contre-exemple. On se mouille juste les genoux et si ça te plaît pas, on sort, d'accord ? Mais j'ai dit non, fiche-moi la paix à la fin ! Écoute Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Hein ? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chie à sa race toute la journée ! Voilà ce que t'es ! Connard ! Connard ! Connard ! Ne deux jours heureux. Voilà le contre-exemple. Tous les gens qui nous écoutent en famille dans leur voiture, vous voyez, il y a pire. Alors, la tyrannie des enfants, ça peut être jusqu'à une tragédie quotidienne, étant donné qu'on en est au point d'ouvrir une consultation à l'hôpital. Ça se passe donc à Montpellier. Et dans Libération, Marcel Ruffo, le pédopsychiatre, explique, de manière plus générale, que les parents cherchent en ce moment, dans le monde actuel, d'abord à séduire avant d'éduquer. Alors, vous qui notamment aussi écrivez pour Parents Mode d'Emploi et qui abordez un peu ces thèmes des enfants dans votre spectacle, Blanche Gardin, j'imagine que c'est une question que vous observez, vous avez un regard sur l'éducation en général des enfants aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu envie de donner une bonne claque à un gamin ? Ah oui, oui, très souvent, mais moi, je n'ai pas d'enfant et je dis tout le temps qu'il ne faut pas faire d'enfant parce que je milite pour la ligature des trompes et la vasectomie généralisée. Ouais. Parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber quand on a un enfant. On peut avoir un républicain, un chauve, un djihadiste. On ne sait pas sur qui on va tomber. Donc ça fait flipper. Du donc coup, donc vous n'accordez aucune valeur à l'éducation. C'est-à-dire que c'est la chance. Je n'accorde aucune valeur au renouvellement des générations. Il faut arrêter ça. Ça fout un coup au moral. Mais on demande aux gens des solutions sans les thunes. C'est ça. Alors, est-ce que c'est la bonne ? Ce qui est très amusant, c'est que vous co-écrivez Parents Mode d'Emploi qui est ce programme. Pour essayer de dégoûter les gens d'avoir des enfants. Qui est ce programme qu'on peut voir, qui est un super programme qu'on peut voir après le journal de 20h sur France 2. Oui. Comment vous faites dans ces cas-là ? Est-ce que vous observez, vous êtes sociologue, je rappelle, enfin vous avez un DEA de sociologie, j'imagine, est-ce que vous voyez passer ces articles dans la presse sur les questions d'éducation, etc. ou c'est vraiment le fruit de votre imagination ? Non, c'est le fruit de mon imagination. Ah bah après, dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des enfants et justement, c'est passionnant d'être extérieur à ça, de pas du tout avoir un rapport affectif avec ces questions d'éducation parce que on voit les gens faire des conneries. Et, j'ai des discussions passionnantes avec mes frères et sœurs qui en ont parce que justement, je suis pas dedans. Moi, ouais. Donc vous voulez passer au scanner un petit peu ? Oui, j'ai passé au scanner et puis. Et il y a déjà un décalage. Le décalage produit dans l'écriture vient aussi de votre observation parce que vous êtes un pied dans le système, un peu en dehors du système de l'éducation. Bah oui, bien sûr, ouais. Mais j'adore les discussions sur l'éducation d'ailleurs parce qu'on peut s'enflammer très très fort. Sauf qu'il y a pas du tout de personne peut vous contredire parce que c'est pas des sciences, enfin c'est pas des maths quoi. Mmh. Vous avez donné un conseil tout à l'heure aux gens qui n'en ont pas encore de se ligaturer des trompes et de vasectomie. Pour les gens qui en ont déjà en bas âge, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire c'est la correction physique apparemment c'est puni maintenant, on a oui, une amende. La fessée, soyez discret, c'est mes conseils. Ouais, discret. Le bottin. Écoutez, père de famille. Non mais c'est pour ça des fois on voit des parents qui tapent sur leurs enfants comme ça. Et là, quand on n'a pas d'enfants, on est révolté. Et puis quand on en a, on dit c'est vrai qu'il n'est pas facile. Il y a un adage qui dit avant on a des principes et puis après on a des enfants. Ouais. Donc vous avez des principes et vous dites si jamais j'ai un enfant, ça va, tous mes principes vont être foutus en l'air. Oui, bien sûr. Moi j'ai des grands principes sur l'éducation et puis alors en fait je sais très bien que si j'en avais, ça serait tout partirait très très vite. Il y a un conseil de Dolto que je trouve assez étrange, justement pour éviter la correction physique. Mm-hmm. Elle dit qu'il faut prendre un objet qu'on a à côté de soi comme ça quand on a envie de taper le gamin et puis taper dans l'objet comme ça et dire au gamin regarde ce que j'ai envie de te faire. Et j'ai toujours trouvé ça très bizarre parce que c'est presque plus violent en fait. C'est ouais. Parce que au moins quand tu tapes un gamin, bon, il est inconscient, après il se rappelle plus. Ne prenez pas le frère effrayé, son enfant. Ouais. L'effrayer. Plein de bons conseils, car c'est aussi ça le service public. À 17h45 sur France Inter, avec notamment Thomas Bideguin. Notamment. Oh. Ah oui, voilà, ça y est, on le y est. Le micro est à vous. Eh oui, parce que c'est le moment donc, où on apprend à lire un peu toutes les histoires que le monde entier nous vend comme il respire. C'est ça que je fais, j'apprends à lire. C'est un peu comme un cours de braille à la radio. Quelle bonne idée. Donc, sauf que ce coup-ci, tenez-vous bien, tenez-vous mieux. En tout cas, je viens révéler le grand secret, celui qui unit toutes les histoires du monde, quelles qu'elles soient. Parce qu'il y a une seule règle à suivre pour raconter des histoires. Il n'y a en fait qu'une seule intrigue. Et c'est toujours la même, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tout le reste, c'est du yo-yo. Pour raconter une histoire, le seul mode d'emploi, c'est ça. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est comme ça. Ça marche pour Richard III, ou pour vendre un chanteur, ou une marque de café. Ça marche pour tout. Pour un remaniement de gauche, ou pour les primaires de droite. L'histoire, c'est toujours la même. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui m'a décidé à vendre, comme ça, la mèche une bonne fois pour toutes, c'est quand j'ai vu la nouvelle affiche de Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous l'avez vue, avec son slogan « La France apaisée ». Je me suis dit « Merde, ça y est, elle est au courant ». Quelqu'un lui a dit « Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent ». Parce que, bon, Marine Le Pen, déjà son père, en fait, il l'a appelée Marine, juste parce qu'on peut mettre « National » derrière. C'est ça qui l'amusait. Ses deux autres enfants, il les appelait Hymne et Bibliothèque. Enfin bon, d'habitude, les affiches du FN, c'est simple. Elles annoncent simplement l'ouverture de la chasse. Aux PD, aux migrants, à leurs enfants, à qui on veut. Mais du coup, elles racontent pas grand-chose. C'est presque de la com interne, en fait. Parce que les choses sont ce qu'elles semblent être, et du coup, on est tranquille. Alors que là, la France apaisée, ça fout les jetons. Dans les James Bond, vous voyez, quand James Bond, au début du film, il rencontre le méchant, souvent c'est dans un casino comme ça, le méchant, il lui dit pas « voilà mon plan pour détruire le monde ». Non, il lui dit autre chose, il lui dit « ah, voilà mon association pour que chaque enfant qui meurt de faim en Afrique ait accès à Internet », ou c'est pas un truc comme ça. Il avance masqué. Eh ben, ça y est, Marine Le Pen, elle a atteint le niveau spectre. Elle a compris comment on raconte les histoires. Elle a compris l'intérêt de la confusion. Un type qui veut la paix civile, il voit l'affiche de Marine Le Pen, il trouve ça cool. Un type qui veut la guerre civile, il voit l'affiche de Marine Le Pen, il trouve ça cool aussi. C'est ça la confusion. C'est quand deux cons d'horizons différents pensent soudain la même chose, en même temps. La confusion, c'est la fusion des cons. Mais ça marche. Parce que ce que les gens veulent, c'est ça. C'est du paradoxe. Ils veulent tout. Et son contraire. On veut bien acheter le disque de Renault, mais il faut qu'il ait arrêté de boire. On veut bien aller voir un film coréen sur un type qui regarde la peinture séchée dans son salon, mais on veut pas que ça soit trop chiant. Et ben, c'est pareil. Quand un gouvernement de gauche met un flic derrière chaque arbre, il dit que c'est pour sauvegarder la liberté. Vous allez voir, rester sur Inter, ça va pas manquer dans 10 minutes chez Demand. On est dans l'injonction paradoxale. Le « je te quitte parce que t'es trop bien pour moi » ou voilà. Ou le « si t'écoutes, j'annule tout ». Voilà. On dit un truc et on fait autre chose. Parce que les gens, ils écoutent et vous, vous annulez pas. On voit bien que vous donnez du mal. Enfin bon. Parce que vous avez compris comment ça marche. C'est simple. Voilà. En fait, c'est toujours marrant de péter dans un ascenseur. Mais ce qui est vraiment amusant, c'est d'accuser la dame qui voyage à côté. Et ben là, Marine Le Pen, elle chie dans l'ascenseur. Et elle dit, ben non, ça sent rien. Elle dit, c'est cool. Elle dit, ça sent bon. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. La France est apaisée. Bravo, merci Thomas Vidoguin. C'est clair. Et voilà tout l'intérêt d'avoir un scénariste autour de cette table. On a les mêmes méthodes de com' que Marine Le Pen. C'est ce qu'il nous a dit, ce salopard. Il déconstruit. Se méfier des blondes. C'est beau la déconstruction des choses. On comprend mieux, on se sent moins con. Oui, oui. Belle définition de l'anti-performatif. De l'anti-performatif ? Bah oui, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Expliquez aux gens qui ne comprennent pas bien. Alors, l'acte... Non, non, mais allez-y, vraiment. Performatif, quand dire, c'est faire, quand, quelque chose, quand on fait quelque chose... voilà, le contraire de si tu es tout coup, j'ai voilà. Tout. Ah, d'accord. Pas... Ah, c'est performatif, faire de la politique, c'est ça le principe. Oui, ou par exemple, quand on dit, je vous déclare mari et femme, c'est un acte performatif. C'est-à-dire qu'au moment où on le dit, c'est l'acte ça arrive. Se produit. Oh ah ben voilà, on sortira moins con de cette émission, c'est moi qui vous le dis. Je allez. Suis un bon con. Blanche Gardin est là jusqu'à 18h. On va aborder pour vous donner troisième... des cours de linguistique et de sociologie. Troisième sujet, la justice bien, a dit hier, a relaxé Aurel San hier parce qu'il était soupçonné d'incitation à la violence envers les femmes dans 8 de ses chansons. Alors non, sachant 8, tout à fait. Voilà, ça aurait pu être 7 ou 9 et pas de bol, c'est 8. Sachant qu'Aurel San joue un personnage de gros bouffe dans ses chansons, est-ce qu'on ne se trompe pas d'ennemi ? Alors que dire des provocations à visée marketing du gangster à rap, est-ce que le rap c'est toujours aussi bien? Disons que nous on est écœuré par le rap, tu vois, et ça récupère, tu vois. Ouais, si tu veux, aujourd'hui, il y a tous les mecs qui rappent, tu vois. Il y a même des comiques qui rappent. Si tu veux, ça veut plus rien dire, tu vois. La révolte a été à midonner, tu vois. Ouais, c'est sûr. La révolte a été à midonner. C'est sûr que midi, c'est un peu vachement la faute à la société, tu vois. C'est sûr. Marre du rap. Les inconnus, ça n'a pas vieilli. Hein, c'est... Alors, est-ce que vous écoutez, vous, Blanche Gardin, du gangsta rap? Très peu. Les questions sont précises. Hein, non, mais je commence par là. On commence par une question un peu ouverte, on se détend. Ça, si elle dit oui, on a non, voilà. Non, je suis très peu, pas très hip-hop. Non? Non. Ni rap. Orelsan, vous écoutez un peu ou pas? Mais non, j'ai eu le loisir d'écouter cette chanson quand c'est passé sur les ondes, ouais, ouais. Une fois ou deux. Ça vous a choqué ou pas? Ça vous... ou interpeller, ou titiller l'oreille. Non, je me suis dit peut-être qu'il faudrait lui donner de la Ritaline à ce garçon. Mais maintenant, non, parce que, ce qui est embêtant. Il est relaxé. Il est relaxé. Il est relaxé. Alors, Orelsan, quand on connaît le contexte, le personnage, le rappeur, et quand il dit des choses comme on verra comment tu fais la belle avec une jambe cassée. C'est comme les, j'imagine, c'est un peu comme les humoristes qui sont dans un personnage. Lui, il est dans un, il fait de l'art, c'est de la chanson. Orelsan, quand on connaît le contexte, il est quand même dans un personnage où il dénonce des gros beaufs. Est-ce que parfois la limite est plus difficile à percevoir quand c'est en chanson et quand c'est un rappeur plutôt que quand c'est un humoriste et qu'on dit ah attention là on va vraiment faire un personnage? Ah bah bien sûr, ouais, je pense que c'est un souci, surtout que voilà, un rappeur qui a vocation à s'adresser à des jeunes, si c'est pas tamponné avant, attention 28e degré, c'est évidemment c'est plus compliqué quoi. Mais la bonne nouvelle c'est que la justice l'a relaxé, donc elle a considéré aussi que le rap était l'expression de la colère d'une génération et que c'était véhiculé par là. Est-ce que autour de cette table vous écoutez du Alex Vizorek, du gangsta rap? Très certainement. Mais non, parce que clairement, Orelsan, c'est vachement bien écrit et c'était, il avait utilisé ce verbe dans une chanson, je vais te Marie Trintigner. Et je trouvais que la trouvaille de néologisme était assez bonne. Maintenant, évidemment, ça choque. Mm-hmm. Si c'est un humoriste qui l'a fait, pourquoi pas? Et j'allais vous poser la question, Blanche Gardin, est-ce que vous avez l'impression parfois de faire une blague dite misogyne? En tant que femme, vous vous interdisez justement d'attaquer le statut de femme ou de vous mettre les féministes ou à dos. Ou justement, vous jouez de ce statut avec votre visage d'ange, vous faites passer des atrocités en faisant un peu avec le sourire quoi. Je pense pas jamais dire des choses que je pense pas en fait. Donc oui, je suis un peu misogyne, je pense, comme tout le monde. Alors, en tout cas, il y en a un qui est entré dans ce studio et lui avec la guitare et il envoie. C'est notre Orelsan à nous, il raconte n'importe quoi mais il le fait avec le sourire et c'est déjà pas mal. Il sera à Bruxelles en concert demain. Ah bon? Frédéric Fromet, comment va-t-il? Très bien, et vous? Mais de quoi on va chanter? Cette semaine, un fait divers a retenu mon attention. Des touristes se passent de main en main un bébé dauphin pour prendre des selfies. Le dauphin meurt de déshydratation. Vous faites des brèves aussi, vous? Et tout ça, c'est, enfin, quand c'est pas les touristes eux-mêmes qui décèdent en se prenant en photo, ça m'a donné l'idée de dépoussiérer quelques chansons. Sont-ils cons comme la lune, tous ces gros blaireaux qui videraient la lagune pour faire une photo? Le dauphin est mort, j'ai pas eu de selfie. Secoue-le encore, on dirait qu'il rit. Qu'un dauphin se perde, il est dans la merde. On l'attrape par la queue, on le montre à des curieux. Les curieux se disent, faut qu'on le selfie. Sans le tremper dans l'eau, ça fera un petit dauphin tout froid. C'est la mère Michel qui a écrasé son chat en faisant un selfie devant ses bégonias. C'est le père Lustucru qui lui aussi mourut en voulant faire un selfie avec sa morue. Le téléphone ne pleure, maman ne répond plus. Sur l'écran une belle vue, mais y'a personne dessus. Bernadette, elle est très bête, mais son selfie est réussi. Avec Gaston sur le ponton, un pas de côté et tout a basculé. Gaston, y'a le téléphone qui sonne, mais il y a plus personne qui répond. Sur le pont d'Avignon, un selfie trop près du bord et nous voilà sous le pont avec de l'eau dans les poumons. Les petits cadavres dans l'eau nagent. Les petits cadavres dans plaintes pas de trop. Chouchou, le petit train a écrasé mon papa sur le quai de la gare. Un selfie avant le départ. On n'a pas de chance, on ne part plus en vacances. Je suis tombé par terre, c'est la faute à ta mère. L'écran était trop petit pour qu'on fasse un selfie. Je suis en mille morceaux, les tripes dans le caniveau. Pas entendu le klaxon, c'est la photo smartphone. Ce matin, des crétins ont tué un dauphin. C'était des crétins qui faisaient des selfies. Bravo, merci Frédéric Fromé. Et lui aussi avec son petit air ingénieux, hop, hop, hop, ça passait comme ça. Bon, merci Blanche Gardin. Merci. Ça vous plaît ce genre de humour? Hein, voilà. Jouez d'un instrument, vous, non? Mais comment? Vous jouez d'un instrument? J'ai essayé de jouer quelques instruments, ouais. Du ouais. coup, je joue de rien. Vous restez sur le texte. Droite comme un i. Oui, tout à fait. Blanche Gardin, Je parle toute seule. C'est donc à la Nouvelle Scène jusqu'au 26 juin. Donc faites gaffe aux selfies. C'est à Paris. Est-ce qu'on pourra vous voir un peu tourner après en province ou... On va tourner. Ouais. Oui. Ok, cool. En tout cas, en attendant, la Nouvelle Scène, c'est le vendredi et samedi à 21h30, le dimanche à 20h. Et puis ici, il y a toute une équipe que je voudrais beaucoup remercier. Déjà, à la réalisation, il y a Benjamin Riquet. Avec la préparation, il y a Nathalie Romero. Et la troisième perle, on la perd quelques mois, c'est Claire-Sophie Collet qui s'absente. On l'a épuisée. J'ai envie de l'applaudir parce qu'elle a fait un travail formidable avec nous. Et on a un petit, comme elle trouve beaucoup de son pour nous, on a un petit son pour elle. Bah, j'ai envie de lui dire. Merci Poutou. Voilà. Merci Poutou. Et puis vous savez que vous allez retrouver Nicolas Demorand avec François Hollande attention. Tout à l'heure. Attention. Donc on a envie de laisser le mot de la fin pour vous Nicolas. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas il signifie mon impatience d'écouter votre invité. François. Bel cheval.